quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. À bicyclette électrique. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Patrick. Vous aussi changez pour l'électrique et devenez l'énergie qui change tout. Jusqu'au 15 janvier, pour tout nouveau contrat d'énergie, EDF vous fait gagner des vélos. Électrique. Appelez le 3004. Service et appel gratuit. Règlement sur edf.fr/moi-électrique. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Albert et Edouard Einstein, de l'asile à l'exil, l'épisode 2. En 1999, pour saluer le siècle qui s'en allait, le magazine américain Time avait fait sa une avec un vieil homme moustachu, au regard intense de clown triste, hippie avant l'heure avec son sweatshirt et ses cheveux en bataille. Le grand physicien Albert Einstein, reconnaissable entre tous, consacré personnalité la plus marquante du XXe siècle. Du XXe siècle, Einstein, mort en 1955, n'a connu pourtant que la première moitié. Mais avec quelle intensité ! Depuis 1905, la fameuse « année magique », comme il disait, ou employé à l'Office des brevets de Berne, le génial inconnu avait publié 4 articles qui devaient bouleverser la science moderne, pour le meilleur et pour le pire, et apporter à Einstein, 26 ans, reconnaissance et gloire. Mais ce savant joyeux qui n'aimait rien tant que la liberté et le bonheur de penser va, comme beaucoup d'autres, voir sa vie bouleversée par les guerres, les haines totalitaires, le déchirement de l'exil, mais aussi un drame plus intime, celui de son deuxième fils, Édouard, qu'il n'a pas su sauver de la folie. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Étienne Klein, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes physicien, philosophe des sciences et producteur à France Culture. Et depuis tout petit, je crois, un grand admirateur d'Albert Einstein. Vous racontez dans votre essai « Le pays qu'habitait Albert Einstein » qu'adolescent, vous aviez 2 photos de lui sur le mur de votre chambre. Est-ce lui qui vous a amené à devenir physicien et peut-être aussi philosophe, je ne sais pas? Je pense qu'indirectement, il a joué un rôle. Il y avait en effet 2 photos de lui dans ma chambre d'adolescent. Une qui le montre jeune, avec un regard pétillant. Et puis la deuxième photo, la plus connue, d'Einstein après la guerre, en 1947. Il est interrogé par un journaliste qui lui demande si, à son avis, plus tard, il y aura des guerres. Il répond que oui, il y aura toujours des guerres. Tant qu'il y aura des humains, il y aura des guerres. Et la photo est prise juste après. Il a ce regard triste, voilé. Et je me demandais qu'est-ce qui fait que le même homme peut avoir comme ça, à quelques décennies d'intervalle, de regards presque contradictoires l'un avec l'autre. Alors, l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence à l'été 1939. La guerre est imminente en Europe. Albert Einstein vit depuis 1933 en exil aux États-Unis, où il a été invité par l'université de Princeton. Mais pouvez-vous nous rappeler, Étienne Klein, en quelles circonstances Einstein a dû quitter l'Allemagne? En fait, il a fait plusieurs tournées de conférences et de visites aux États-Unis. L'une se termine en janvier 1933. Il arrive donc en Belgique. Il s'apprête à retourner à Berlin et apprend que son appartement a été attaqué, Hitler a pris le pouvoir et il ne peut pas rentrer en Allemagne. Donc il trouve un logement grâce à l'aide de la reine de Belgique qu'il connaissait bien à l'époque. Il trouve une petite maison, la Savoyarde, qui est en fait une maison normande dans un petit village qui s'appelle Coq-sur-Mer, au bord de la mer. Et il va y passer 6 mois à se demander quoi faire, où aller. Il décide de ne pas retourner en Allemagne. Alors on dit qu'il y avait des menaces de mort qui lui étaient adressées. Mais la vraie raison, c'est qu'il n'avait pas peur, mais honte. Il avait honte des Allemands. D'ailleurs, dès qu'il a mis le pied en Belgique, il est allé au consulat pour abandonner la nationalité allemande. Il a écrit à l'Académie des sciences de Prusse pour dire qu'il ne souhaitait plus être membre de cette académie. En fait, il reprochait aux intellectuels, notamment allemands, de ne pas critiquer le régime qui venait de se mettre en place. Et là, il a continué à travailler, il a réfléchi à une destination possible. Il y a eu cette invitation de Princeton. Mais il faut savoir aussi que le ministre français de l'Éducation nationale lui avait rendu visite pour lui proposer d'être professeur au Collège de France. Ce qu'il avait accepté. Il a d'ailleurs été nommé au journal officiel professeur le 8 mai 1933. Et puis, il y a eu des attaques dans la presse française contre lui, notamment, et il a fini par décider d'aller à Princeton. Il a donc quitté l'Europe, définitivement, en jurant de ne jamais y remettre les pieds, et en effet, il n'est jamais revenu en Europe. Ça l'avait longtemps qu'il était menacé, qu'il était attaqué, Albert Einstein, parce qu'il était juif, et aussi parce que c'est un homme de science. C'est incroyable, il a tout le temps été attaqué. À partir du moment où il a été connu, il a été attaqué, soit parce qu'il était pacifiste, ça c'était pendant la Première Guerre mondiale, il était pacifiste, soit parce qu'il était juif, soit parce qu'il était allemand, soit parce qu'il avait inventé une théorie, la relativité que personne ne comprenait, que tout le monde trouvait, enfin que beaucoup de gens en tout cas trouvaient bizarre, soit parce qu'il était soupçonné d'être un peu communiste quand il était aux États-Unis. Enfin, il a toujours été attaqué, et ça ne l'a jamais rendu complètement misanthrope, même si en matière d'humanité, il était d'un réalisme assez particulier. Est-ce que les nazis avaient conscience du scientifique qu'ils laissaient partir en 1933 ? Alors ils l'ont laissé partir, donc enfin ils l'ont forcé à partir. Hein. Ils ont oui, quand même plus. Exercé à son encontre des pressions, notamment dans la presse, d'une violence incroyable. Je pense que oui, et c'est peut-être une chance entre guillemets pour l'Europe que les nazis le n'aient libre, pas ouais. mesuré la puissance de cette physique. Je parle pas de la bombe là, parce qu'en 1933, personne ne parle de bombe atomique. On n'a pas oui, fait de lien entre. On découvre à peine les forces nucléaires, qui d'ailleurs vont très peu intéresser Einstein. Donc c'est pas à ça que je veux faire allusion, mais ils le détestaient tellement finalement qu'ils n'ont pas mesuré son véritable poids, je pense. Quelle était la situation familiale d'Albert Einstein donc quand il part aux États-Unis en 1933? Ah ben il est séparé de sa femme depuis très longtemps. Hein, Mileva. Il est allé à Berlin, s'installer à Berlin après la Suisse et Prague en 1914. Sa femme Mileva et ses deux enfants, ses deux fils le suivent. Hans-Albert et Édouard. Voilà, et assez rapidement ça se passe mal et Mileva décide de rentrer en Suisse avec les enfants. Et il s'engage à voir ses enfants tous les 15 jours, et puis la guerre éclate. La Première Guerre mondiale. Et là, il est obligé de rester à Berlin, et il ne voit plus ses enfants. Et quand il part aux États-Unis en 1933, donc, il rend une dernière visite à son fils, qui est hospitalisé, fréquemment hospitalisé en Suisse. À la clinique psychiatrique de Burghölzli, voilà. À Zurich. Et il lui dit adieu en jouant de la musique avec lui. Du violon, parce que Albert Einstein était un violoniste. Violoniste, et il considérait que la musique était un éther pour ses pensées, c'est-à-dire la musique portait ses idées, en fait. Un moment donc qui a été aussi immortalisé par une photo, qu'on peut voir d'ailleurs sur le site. On voit Albert Einstein avec son fils Édouard, ce dernier moment passé ensemble. Étienne Klein, on se retrouve dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Albert Édouard Einstein, de l'asile à l'exil, l'épisode 2. Un texte de Laurence Exic, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, inspiré de son roman Le cas Édouard Einstein. La réalisation est signée Christophe Hoquet. Mercer Street et ses demeures splendides. Le soleil de Princeton donne l'illusion d'un monde en paix. Il effacerait presque les images des pillages, des viols, des meurtres de la nuit de cristal. Ces groupes d'étudiants qui passent sans faire cas de ma présence. Se peut-il qu'en un même instant, de part et d'autre de l'océan, une même jeunesse brûle ici des cigarettes, là-bas incendie des temples? Qu'adviendra-t-il de ces jeunes souriant aux anges lorsqu'ils se retrouveront face à la jeunesse du Reich exaltée de haine? Puisqu'il y aura la guerre, j'en suis convaincu, et maintenant je l'espère. Voilà ce que les nazis ont fait du chantre du pacifisme. Mes amis physiciens sont optimistes sur les chances d'aboutir de ma lettre à Roosevelt. Je crois plutôt qu'elle finira dans la poubelle d'une secrétaire. Mais s'ils voyaient juste, et que l'on finisse par comprendre l'avance qu'ont pris les physiciens allemands dans la course à la bombe. Peut-être aurais-je à regretter d'avoir apposé mon nom au bas de cette lettre. Et ma postérité pâtirait sans nul doute d'être associée à une telle entreprise de mort et de destruction. Mais que vaut ma postérité face au risque que les nazis possèdent l'arme absolue? Été 1939 à Princeton. Dans cette petite ville universitaire, Albert Einstein donne des cours à la prestigieuse Institute Advanced et poursuit ses recherches en physique. Voilà maintenant 6 ans que celui que l'on nomme désormais l'ermite de Princeton est exilé aux États-Unis. Malgré sa renommée, malgré son Nobel, il reste un apatride. Il ne s'est toujours pas vu accorder la nationalité américaine. L'administration, qu'il octroie maintenant de plus en plus difficilement aux exilés, lui reproche toujours ses engagements passés. Le 2 août 1939, Einstein signe une lettre adressée à Roosevelt où il l'alerte des progrès décisifs accomplis par les chercheurs du Reich et appelle le président des États-Unis à mobiliser les moyens et les énergies pour rattraper le retard et entreprendre la construction d'une bombe atomique. La missive ne restera pas lettre morte. Après bien des pérégrinations, des retards et des coups d'arrêt, sera lancé des mois plus tard le faramineux projet Manhattan. Ironie du sort, Einstein en restera exclu tout au long de la guerre. Professeur ? Oui ? Excusez-moi de vous interrompre, vous avez du courrier. Merci, Wendy. Vous savez, je suis très fière de travailler à votre service. Même si à chaque fois que je dis que je suis la gouvernante du professeur Einstein, les avis sont très partagés. Partagés ? Eh bien, les uns disent que vous êtes le plus grand génie de tous les temps. Et les autres ? Que vous êtes communiste. Vous êtes communiste, professeur ? Je ne crois pas, Wendy. Je fais pas de politique, mais je préfère quand même... Vous savez, je ne vous les montre pas, mais nous recevons encore des lettres, disons, pas très amicales, pour l'invitation à dormir que vous aviez donnée à la cantatrice noire, Marianne Anderson. Mais ça remonte à plus de 2 ans maintenant, Wendy. Les gens d'ici sont rancuniers. Moi-même, pour tout vous avouer, j'ai toujours pas très bien compris pour quelle raison vous avez accueilli cette dame ici. Elle avait pas d'autre lieu où aller après son récital ? Justement pas, Wendy. Les gens prétendent que si le propriétaire du grand hôtel Nassau a refusé de donner une de ses chambres à la cantatrice, c'est qu'il avait ses raisons. Qu'en l'invitant chez vous, vous avez nargué les institutions de la ville de Princeton. Vous, un émigré que cette ville a accueilli quand l'Europe ne voulait plus de vous. Voilà ce que disent les gens rancuniers. Voulez-vous me rendre un service ? Pouvez-vous lancer le disque qui est déjà sur le gramophone, s'il vous plaît ? Bien entendu, professeur. Edouard Einstein, le fils d'Albert, durant les années d'exil de son père, est demeuré en Suisse avec sa mère, Mileva. Il a multiplié les hospitalisations à la clinique psychiatrique de Zurich. Une panoplie de traitements les plus lourds lui ont été administrés. Le jeune homme reste la proie de graves bouffées délirantes. Le 4 septembre 1939, à Zurich, il écoute presque religieusement un discours émis depuis Londres par la BBC. Bravo! Gloire à toi, George VI, prince des Britanniques. Messieurs les Anglais, poutez les nazis hors d'Allemagne. Maman, cela fait longtemps que papa est en Amérique? Bientôt 7 ans. Et il est mieux en Amérique qu'en Allemagne? S'il était resté en Allemagne, les nazis auraient mis ton père dans un camp, mon chéri. Un camp comme à Dachau, maman? Oui, mon chéri, les nazis l'auraient sûrement interné à Dachau. Ça aurait été drôle. Ton père à Dachau ? Dachau est à 200 km de Zurich. Ça aurait été drôle. 2 Einstein internés en même temps à 200 km de distance. La famille aurait été réunie. Je n'aime pas quand tu parles comme ça, Edouard. Si mon père avait été arrêté, le monde entier se serait mobilisé pour le faire sortir. Et moi, jamais personne ne se mobilise. À part toi. C'est parce que ton père est un symbole. Qu'est-ce que j'ai de moins que mon père ? Chaque cas est différent, Edouard. Un cas, maman ? Ça vaut moins qu'un symbole. Peut-être que je ne suis pas Einstein, n'est-ce pas ? C'est pour cela, maman, je ne suis pas Einstein ? Tu es Edouard Einstein. Aux actualités cinématographiques, quand le surveillant Heimrat nous a emmenés au cinéma, ils ont dit que les Juifs étaient persécutés en Allemagne. Oui, Edouard, ce qui se passe en Allemagne est terrible pour les Juifs. Mais nous ne sommes pas Juifs, maman, n'est-ce pas ? Non, nous sommes chrétiens orthodoxes. Tu as été baptisé, mon chéri. Le surveillant Heimrat dit aussi qu'on a de la chance d'être de ce côté de la frontière parce que de l'autre côté, les nazis rêvent de nous exterminer. Nous qui ? Nous, les fous. Le surveillant Heimrat ne sait pas ce qu'il dit. Mais je suis fou, n'est-ce pas ? Parce que je me rends pas bien compte. Comment on sait si on est fou ? Aujourd'hui, le monde entier est fou. Les Allemands sont devenus plus fous que tu ne le seras jamais. Tu sais ce que j'aimerais, maman ? Aller en Amérique aussi. Même si je sais bien que dans mon état, c'est impossible, vu que les Américains ont déjà leur fou. Tu crois qu'un jour, je serai guérie, maman ? Oui, je veux y croire, Edouard. Je vais aller dormir un peu, maintenant que tu m'as rassurée. Oui. Va te reposer, mon chéri. Maman, tu sais où est rangée la règle en fer que je place toujours sur l'oreiller contre les loups ? Au cours des années, de multiples traitements ont été pratiqués sur Edouard. Les électrochocs commencent à être utilisés en pratique courante. Edouard subit de nombreuses cures. S'y associent d'autres traitements, comme cette nouvelle technique qui sera pratiquée jusque dans les années 50, avant l'administration des neuroleptiques, la cure de Sackle. Alors, Madame Einstein, ce n'est pas brillant, n'est-ce pas ? Vous voyez bien que ce garçon a besoin d'être encadré. Le docteur Minkel vous a parlé de ce nouveau traitement ? Oui, la cure de... Sackle. Oui, ça me semble terriblement... Barbare ? Oui, je crois que c'est le mot. Le docteur n'a pas dû s'exprimer clairement. Il était on ne peut plus clair. Qu'a-t-il bien pu vous dire ? Il a parlé de l'insuline. Oui, c'est exact. On administre aux patients délirants une dose d'insuline. Une très forte dose. Une faible dose agirait-elle ? On plonge dans le coma sous cette très forte dose. C'est le but recherché. Un coma, c'est terrible. Allons donc. Le patient en ressort de ce coma terrible. Et lorsqu'il en ressort, non seulement il échappe à tout son délire, mais il a retrouvé son psychisme d'enfant. Non, Madame Einstein, la cure de Sackle n'a pas la cruauté d'une lobotomie. Alors vous me direz, certes, il y a des risques. Bien entendu, il y en a. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On prive le cerveau de sucre. Pas d'omelette sans casser des œufs. On provoque un coma thérapeutique. Les œufs. On entraîne un choc hypoglycémique. Les œufs. On atrophie les cellules nerveuses. Les œufs. On entraîne des convulsions. Les œufs. Et si j'en veux pas, moi, de votre omelette ? Si je refuse de casser les œufs sur la tête de mon fils ? Malheureusement, chère Madame Einstein, ici, au Burgosi, ça n'est pas vous qui faites la cuisine. Après l'invasion de la Pologne en septembre 1939 et l'entrée en guerre de la France et du Royaume-Uni, les Allemands courent de victoire en victoire. La majeure partie de l'Europe est bientôt occupée par le Reich. L'URSS n'est pas loin de plier. Les États-Unis finiront par quitter leur neutralité et entreront dans le conflit en décembre 1941. La planète n'est plus qu'une immense zone de guerre, les persécutions raciales prenant une ampleur inimaginable. Suivant les avancées des troupes de la Wehrmacht, les Einsatzgruppen exterminent par balles les populations juives des villes et ghettos des territoires conquis par l'armée nazie. Triste jour que ce 23 février 1942. À la une du New York Times, le suicide de Stefan Zweig. Ainsi, lui aussi a choisi de partir. Qui donc subsistera des êtres que j'ai connus, croisés, chéris ? À quand remonte ma rencontre avec le Viennois ? C'était en 1930, à Berlin, il me semble. Oui, ça me revient, nous dînions au café Beethoven. Au milieu du repas, Zweig m'a offert un livre, un exemplaire, à peine sorti de presse. La guérison par l'esprit. Le livre m'était dédié. Imprimé en page 3, à Albert Einstein, un homme que j'admire profondément. Et Zweig a ajouté devant moi, peut-être un jour j'écrirai sur vous. Après tout, le monde d'Einstein est aussi captivant que celui de Freud. Peu de temps après, Edouard était interné à l'asile. Est-ce que le destin est écrit dans les livres ? Le destin, je crois, s'amuse avec les hommes et il se rit de moi. J'avais rencontré le psychanalyste à Berlin l'hiver 1926. Aucun courant de sympathie n'était passé. Freud semblait vivre notre relation sur le mode de la rivalité. Je ne lui ai jamais caché mes réticences à l'égard de la psychanalyse. En 1928, je n'ai pas soutenu sa candidature au prix Nobel. Je doutais alors qu'un psychologue puisse être candidat au Nobel de médecine. Son animosité avait redoublé à mon égard. Des années après, je lui ai avoué avoir changé. J'ai loué la beauté et la clarté de ses écrits. Plus tard, en 1932, on nous proposa d'écrire à quatre mains un essai sur la guerre, commande de la Société des Nations, annoncé comme un événement. Imaginez un peu, le découvreur de la théorie de la relativité et l'inventeur de la psychanalyse se pensant ensemble sur l'état d'un monde malade de violence et de haine. Pourquoi la guerre ? un livre signé Freud et Einstein. La question ancestrale qui puisait dans les plus noires pulsions de l'homme allait être résolue. L'humanité était sauvée. Le livre est paru le 22 mars 1933. En mai, l'ouvrage a rejoint au bûcher tous nos autres livres, en cendres, sous les hurrahs des foules allemandes et les harangues de Goebbels. Une question m'a toujours obsédé. Freud savait-il pour Édouard ? Pouvait-il ignorer, lui qui connaissait les médecins du Burg Ötzli, que j'avais un fils psychotique ? Jamais, dans nos lettres, il n'y fit la moindre allusion. Jamais, je n'osais lui en parler. Mais après tout, même si Freud avait su, ni le maître de l'inconscient, ni lui, ni moi, ni personne, n'avons jamais rien pu, ne pourrons jamais rien, pour réparer l'âme folle d'Édouard. Professeur ? Oui ? Un certain monsieur John Starcone veut vous voir. Il m'a présenté sa carte d'agent du FBI et il prétend vous avoir déjà rencontré. Faites-le entrer, Wendy. N'ayez pas d'inquiétude. Hélas, j'ai déjà eu affaire à l'agent Starcone. Dès le lendemain de son arrivée aux États-Unis en 1933, des agents du FBI avaient rôdé sur Mercer Street, autour du domicile d'Einstein. Edgar Hoover, l'homme fort du FBI, a toujours été convaincu qu'Einstein était un agent à la solde de Moscou. Les appels au pacifisme du Nobel, sa critique du capitalisme, ses sympathies socialistes, son engagement de longue date en faveur des Noirs américains ont nourri chez Hoover une haine absolue. Quel bon vent vous amène ? La tempête venant d'Allemagne. Vous connaissiez Ernst Rudin, n'est-ce pas ? De triste mémoire. Un des spécialistes de la schizophrénie et initiateur de la notion d'hérédité dans cette maladie. Mais Rudin est devenu le grand penseur de l'eugénisme du Reich. C'est lui qui a rédigé la loi de 1933 qui prône la stérilisation des malades mentaux. Vous avez appris comme moi que durant le mois de juillet 40, tous les malades mentaux juifs hospitalisés du Reich ont été envoyés à Brandebourg-sur-la-Havel pour y être assassinés. Puis le programme s'est étendu aux autres handicapés. Des milliers de malades ont été gazés dans les hôpitaux. Le processus a été officiellement arrêté grâce à la pression de l'évêché allemand. Je sais tout ça, Starcone. Où voulez-vous en venir ? Rudin avait supervisé tout le processus. Edrich était seulement son bras armé. Or, nous avons appris que Rudin a usé de ses origines suisses pour interférer auprès du directeur de la clinique Burgelsli, Hans Wolfgang Mayer. Il a demandé à Mayer de lui adresser le dossier du cas Edouard Einstein. Il rêve de démontrer que la folie de votre fils vient de vous. Tenez, voilà une copie de la réponse que Mayer a adressée à Rudin. J'ai pas mes lunettes, vous pourriez me la lire ? À mon distingué collègue, le professeur Ernst Rudin. Nous ne pouvons accéder à votre demande aujourd'hui car ce jeune homme est actuellement hospitalisé dans notre clinique. Nous pouvons cependant vous communiquer qu'il souffre d'une schizophrénie grave, clairement renforcée par des causes psychogènes. Sur la question de l'hérédité du père, nous manquons d'informations car depuis que j'ai traité le fils de manière ambulatoire, le père n'est plus apparu chez nous. Ce qui est sûr, c'est une hérédité schizophrénique qui vient de la mère, dont la sœur a été internée pour catatonie. La mère est une personnalité schizoïde. Comme vous le savez, le mariage d'Albert Einstein, dont ce fils est issu, est depuis longtemps dissous. Au cas où vous auriez d'autres questions, nous restons à votre disposition. Monsieur Starcone, pensez-vous que les Suisses seraient capables de livrer aux nazis autre chose que des dossiers médicaux ? Vous voulez dire des hommes ? Je veux dire un homme. Non. Les Suisses peuvent être accusés de beaucoup de choses, mais livrer un citoyen suisse, non, ils ne le feront pas. Même si le patient vaut de l'or ? Même si le patient s'appelle Einstein. Merci, monsieur Starcone. Dites, une dernière question. Pourquoi êtes-vous si aimable depuis quelque temps avec moi ? Eh bien d'abord, il y a le fait que vous soyez devenu un citoyen américain depuis quelques mois maintenant. Et ensuite ? Le fait que vous ayez alerté notre président sur la possibilité de construire une bombe d'une puissance terrifiante. Vous devenez précieux au pays, cher professeur. Et même si Hoover gardera toujours un œil sur vous, vous n'êtes plus désormais un ennemi de la nation. Est-ce qu'on m'accordera plus de facilité pour faire venir mes proches ? Nous en avons déjà parlé, professeur, et nous avons accepté votre fils aîné, Hans Albert. Mais concernant les personnes handicapées, leur arrivée est régie par la législation de l'Immigration Act. Professeur, les Einstein sont dorénavant les bienvenus chez nous, mais hélas, seulement ceux qui ont la tête bien faite. Au même moment, à Zurich. Maman ? Tu te souviens quand nous étions heureux? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je ne me souviens pas. Bien sûr que nous avons été heureux, mon chéri. Tu me rassures. Je croyais qu'en plus de ma maladie, j'avais des troubles de la mémoire. Non, mon Édouard. Ta mémoire est intacte. C'était quand? Quand quoi, mon chéri? Quand j'ai été heureux dans l'existence. Tu vois? Toi non plus, tu ne te souviens plus. Petit garçon, tu étais très heureux. C'est vrai? Ça me revient maintenant que tu le dis. Tu jouais avec Hans dans le grand parc devant le lac Léman. Je le revois, le parc. Je vous regardais. Le manège. En me disant combien vous étiez beau. Je vois le cheval du manège. J'avais la chance d'avoir de tels enfants. J'étais monté sur le deux cheval. Deux fils, magnifiques. Mes fils. Les fils Einstein. Oh, j'étais monté sur la girafe. Elle est belle, ta girafe. Qui deviendrait un jour des hommes grands et solides. Ah, c'est ça. C'est ça, maman. Continue. J'ai le goût du bonheur qui me revient. Ton frère et toi, vous étiez inséparables. Il s'est séparé maintenant. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. C'est la vie qui veut ça. Je croyais que c'était lui. Ça me rassure en un sens. Que finalement, ni mon frère ni mon père ne soient jamais venus me voir. Si c'est la vie qui veut ça, c'est que ça n'est pas leur faute. Je croyais qu'ils avaient honte de moi. Absolument personne n'a honte de toi. Dis, maman, tu ne vas pas mourir. Pourquoi tu penses à ça? Parce que je sais pas comment je ferais. Je me sentirais trop seule si tu me laissais. Je te laisserai jamais. À partir de fin 1942, le projet Manhattan, initié par la lettre d'Einstein à Roosevelt, va rassembler des milliers de personnes à travers les États-Unis pour ce chantier dont l'épicentre est à Los Alamos, ville bâtie dans le plus grand secret au beau milieu du désert. Mais si tous les physiciens présents sur le sol américain sont réquisitionnés et travaillent sous la direction scientifique d'Oppenheimer, Einstein est non seulement écarté du projet de construction de la bombe, mais il est laissé dans l'ignorance la plus totale. Hoover reste persuadé que c'est un agent soviétique. On accorde au prix Nobel, qui réclame de s'engager, de travailler pour la Navy, sur des sonars. Fin 1944, alors que la victoire sur l'Allemagne est certaine et que la bombe est sur le point d'être prête, Einstein, enfin mis au courant de ses avancées spectaculaires, écrit au président Roosevelt une deuxième lettre, l'appelant celle-là à interrompre les recherches et à ne jamais utiliser l'arme atomique. La lettre parvient à la Maison-Blanche quelques jours après la mort de Roosevelt. Sur ordre du nouveau président, Truman, Little Boy et Fat Man sont lancés sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945, faisant entrer l'humanité dans une nouvelle ère de terreur. Vous ne venez pas, professeur? Tout le pays est dans la rue. Tout Princeton est déjà dehors. Mercer Street est bondé. Allez, venez! Je n'ai pas le cœur à faire la fête. Comment ça, pas le cœur? Nous avons gagné. Hitler est vaincu, le Japon est vaincu. Et vous boudez votre joie? Non. Professeur, vous n'avez pas le droit de bouder. Allez, je sors. Vous nous rejoindrez, n'est-ce pas? Je ne veux ni flonflon ni fanfare sur Mercer Street ou sur la 5e avenue. Pas de bain de foule après le bain de sang. Ce jour ne marque aucune victoire. Cette date sonne seulement la fin d'un terrible calvaire. La jeunesse défile sur la 5e avenue. Beaux et fiers et vaillants soldats revenus du front, et jeunes filles à leur cou, boulevard noir de monde, éclatant de vie. Ce jour survient trop tard. Je n'ai rien à fêter. L'extermination programmée a pris une telle ampleur, la destruction des Juifs d'Europe a été si absolue. En ce sens, Hitler tient sa victoire posthume. Je n'ai rien à fêter. Certains commencent déjà à laisser entendre que je serai responsable d'Hiroshima. Je serai le père de la bombe atomique. Ma première lettre à Roosevelt signe l'acte de naissance. Ma formule E égale MC2, la reconnaissance en paternité. Mais je n'endosserai pas cette paternité. Je refuse le rôle du mauvais génie. Surveillant Heimrath, est-ce que je dois me réjouir de la victoire des Alliés? Oui. Toi, tu peux. Et vous? Édouard, vois-tu, je n'ai été l'allié de personne. Je n'ai été l'ennemi de personne. Je suis comme tous les gens d'ici, des gens neutres, sans histoire, qui ne demandent qu'à être tranquilles. Quel mal y a-t-il à cela? Nos coffres sont pleins et nous n'avons pas connu la guerre. Préférais-tu l'inverse? Ou bien tout ce que nous faisons pour toi est-il vain? Il faut le dire, Édouard, si tu te montres ingrat à ce point. Il est vrai que je ressens moins les choses qu'avant. Cela veut dire que tu es sur la bonne voie, Édouard. Le progrès, c'est de moins percevoir la douleur de l'existence, de se montrer insensible aux turbulences. Les jours passés ici ont fait de toi un autre homme, tu sais. Moi-même, j'ai pu le constater. J'ai grossi. Oh, on se moque du poids. On me soutient que je parle plus lentement et parfois, j'ai du mal à exprimer clairement ma pensée. Les gens ne séjournent pas au Pogglesley pour penser, Édouard. Ceux qui sont là depuis longtemps ne s'expriment presque plus. Sont-ils vraiment à plaindre? Ne te sens-tu pas plus en sécurité dans notre monde que dehors? De nombreuses personnes t'envient, tu sais. Je ne vois pas en quoi je suis enviable. Tu es le fils d'Einstein. Ça n'est pas donné à tout le monde. Vous, vous m'enviez? Tu préférais que je t'envie? Je ne veux de mal à personne. Tu es un bon garçon, Édouard. Allez, bientôt 4 heures. Ta mère doit attendre à l'accueil. Elle n'est plus très en forme, tu sais. Ne la fais pas attendre. Après 1945, Albert Einstein refusera de retourner en Allemagne. Il interdira toute publication de ses livres en allemand. Il n'accordera jamais son pardon. Mais le savant ne reste pas pour autant tourné vers le passé. Il poursuit ses recherches et se remet à sa théorie du champ unitaire. Approchant des 70 ans, il continue également son inlassable engagement politique. La menace nucléaire pèse dorénavant sur l'humanité. Il se fait le chantre du combat contre la bombe. Il rêve d'une gouvernance mondiale. Il est à l'initiative ou est le signataire de quantité de pétitions pour la paix. À Zurich, la santé de Mileva décline gravement et rapidement. La mère d'Edouard est victime de plusieurs attaques cérébrales successives. Le 4 août 1948, le surveillant Heimrath entre dans la chambre d'Edouard. Édouard, j'ai quelque chose de triste à t'apprendre. Ta mère est morte. Est-ce que tu comprends ce que cela signifie? Pas exactement. Qu'est-ce que je dois ressentir, normalement? Personne n'a jamais compris ce que la disparition d'un proche signifiait. Les plus grands sages, les religions, se sont penchés sur la question. Cela demeure un des plus grands mystères de l'humanité. Alors, pour vous, je fais partie de l'humanité? Pleinement, Édouard. Même maintenant que ma mère a disparu? Cela ne change rien à ton état, Édouard. La tristesse est un sentiment que je ne maîtrise pas bien. Je suis plutôt porté au désespoir et aux grandes colères. Les larmes ne me viennent pas facilement. Dois-je me forcer à être triste? Montre-toi patient, Édouard. Si je vous ai bien compris, je ne reverrai jamais ma mère. Dans l'au-delà, nous nous retrouverons tous. Est-ce que sa mort est définitive? Dois-je attendre ma mort pour espérer la revoir? Dois-je espérer ma mort? Tu poses des questions que posent les enfants. Tu as une âme pure. Édouard, je dois te laisser maintenant. Il faut que tu apprennes à rester seul. Vous avez certainement d'autres choses bien plus importantes à faire que moi, surveillant Heimrath. J'aimerais juste savoir une chose avant que vous partiez. Dis. Quand est-ce que ma mère va venir me voir? Elle commence à me manquer. Le 12 février 1950, le New York Post titre « Déporter l'imposteur rouge Einstein ». Les États-Unis sont en proie au maccartisme. La chasse aux sorcières bat son plein. Un climat de délation délétère règne dans le pays. La moindre déclaration de soutien à un mouvement pacifiste, la plus ancienne adhésion à une organisation de gauche, peut conduire devant une sous-commission menée au banc de la société. Dans chaque université, les professeurs sont invités à dénoncer leurs confrères. Einstein reste une des cibles privilégiées de John Edgar Hoover. Son dossier au FBI compte près de 2000 pages. Les premières concernent son engagement contre la ségrégation raciale et remontent à 1923. Einstein devra quitter le pays si la campagne orchestrée contre lui prend de l'ampleur. Vous avez lu la presse, professeur? Hoover a finalement eu la tête de Charlie Chaplin. Il va devoir s'exiler. Je sais, John, je sais. Le prochain sur la liste, c'est vous. Hoover croit toujours à votre allégeance à Staline. Il cherche à démontrer que vous étiez affilié au Parti communiste allemand en 1920. Et s'il y arrive... Il n'y arrivera pas. Vous avez écrit à Staline pour exprimer votre soutien à Trotsky lorsqu'il était en fuite. Oh, c'est pas un signe d'allégeance à Staline, ça. Et vous avez déclaré dans un journal, le laisser-faire de la société capitaliste actuelle est selon moi la véritable source du mal qui nous ronge. Je le pense toujours. Oppenheimer est sur la sellette. Mais c'est vous que Hoover aimerait avoir à son tableau de chasse. Il ne renoncera pas. Il enrage de ne pas avoir trouvé le lien entre les époux Rosenberg et vous. Pauvre Julius, et pauvre Ethel. Vous avez lu les journaux. Les chiens sont lâchés, professeur. Croyez-moi, cher Storkon, j'ai 73 ans. Il est à craindre que mon cœur lâche avant Hoover. C'est tout le mal que je vous souhaite. Avril 1955, à Princeton. Plusieurs mois auparavant, à la suite de douleurs intolérables, les chirurgiens ont opéré Einstein. Après lui avoir ouvert l'abdomen, ils ont diagnostiqué un anévrisme de l'aorte. On ne sait pas opérer ce genre de maladie. Ils ont refermé sans intervenir. Depuis hier, la douleur dans mon ventre, qui s'était calmée pendant des mois, est réapparue. Elle est devenue intolérable. Une bombe à retardement grossit dans mon ventre. Quelle ironie! Seuls mes souvenirs sont comme un baume. Les éclats de rire de ma sœur Maya. Les temps heureux avec mon père à Munich. Les airs de sonate que ma mère me jouait à Pavie. Les traversées du monde. Les voyages dans les pensées. La remise du Nobel à Stockholm. Les défilés sous les hurrahs à Manhattan. Je ne dois pas oublier de reprendre la rédaction de mon appel à un gouvernement mondial. Et il faut que je signe l'appel de Russell pour la paix. Toute ma vie aurait été un combat pour changer l'ordre des choses. Rien ne pourra changer le désordre d'Edouard. Je suis le père d'Edouard. Qu'est-ce que ça signifie? Les pères engendrent les fils, mais ce sont les fils qui rendent père leur géniteur et qui font d'eux des hommes. Ma vieille blessure de père. J'ai donné vie au grand malheur sur Terre. Je ne parviens pas à accepter que je suis l'auteur de ces jours, ces années de terreur, cette vie de folle misère. L'irréversibilité est la clé de toute douleur, et Edouard représente pour ainsi dire le seul problème humain qui demeure sans solution. Le jour se fait plus pâle, mes souvenirs s'enfuient, mes forces m'abandonnent. Peut-être est-il temps de ne plus se battre contre l'ordre des choses. Il me semble que j'aurais connu tout ce que peut connaître un homme. J'aurais embrassé toute la splendeur et toute la misère des temps. Zurich, le 19 avril 1955. J'ai une mauvaise nouvelle. Edouard, je dois t'apprendre la disparition de ton père. C'est moi qui devrais être triste, pas vous. C'est une mauvaise nouvelle pour nous tous. Je n'arrive pas à me faire une idée. Le monde entier va pleurer ton père. C'était un grand homme. Un grand savant. Bien plus que ça. Un esprit éclairé, un homme révolté, un génie. Ça m'émeut de vous entendre parler ainsi d'un homme qui est mon père, en quelque sorte. Oui, Edouard. Tu peux être fier. Et tu sais, un jour, les gens s'intéresseront aussi à toi, à qui tu étais, ce que tu es devenu. Les gens ne savent même pas que j'existe. Tu es l'un des plus anciens pensionnaires du Burglesley. Tu occupes même aujourd'hui la fonction de jardinier. Et puis regarde. J'ai retrouvé cette photographie en cherchant dans les archives. C'est une vieille photo de ton père. De ton père et toi, assis dans la salle de réception du Burglesley. Elle a été prise en 1933. Je crois que c'est la dernière fois que tu as rencontré ton père. Je portais un très beau costume. On ne peut pas se rendre compte aujourd'hui, mais à 20 ans, on me disait très élégant. C'est une partition, là, sur la photo? Et mon père tient l'archet de son violon, n'est-ce pas? Bien vu, Edouard. Est-ce que nous avons joué ensemble ici, au Burgersley? Moi sur le piano de la clinique et ici même? Et lui sur son violon? Absolument, Edouard. J'étais là pour vous voir et vous entendre. Ce qui me surprend, c'est que mon père porte une cravate. Lui, d'ordinaire vêtu comme l'as de pique, s'est habillé comme pour une cérémonie, alors qu'il était là simplement pour me dire adieu à moi. C'est exact, Edouard. Et aussi, mon père a l'air triste. Ses yeux n'ont aucun éclat, contrairement à d'habitude. Il se tient avachi sur son siège, comme accablé par quelque chose. Vous aussi, vous avez cette impression que mon père est triste, alors qu'il est seulement ici pour me dire adieu? Tu as raison, Edouard. Ton père a l'air très triste. J'ai vu de nombreuses photographies de lui. Eh bien, je ne lui ai pas connu cette terre catastrophée-là. Mais pourquoi diable serait-il peiné? Cher Edouard, puisque tu es à ses côtés et qu'il est venu te dire adieu avant son départ en Amérique, cet adieu doit être la cause du chagrin de ton père. Je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, peut-être, Edouard. Est-ce ce qu'on appelle l'amour paternel? Edouard, tu as l'air heureux. Albert et Edouard Einstein, de l'asile à l'exil, de Laurence Exic, avec Albert Einstein, Fred Ulysse, Edouard Einstein, Hector Manuel, Mileva Merrick Einstein, Sophie Dole, le surveillant Heimrat Grégoire Mont-Saint-Jean, Wendy Florence Mazot, l'agence Turconne, Philippe Bautier, prise de son montage et mixage Marie Le Peintre et Antoine Viossa, assistante à la réalisation Justine Dibling, réalisation Christophe Hoquet. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Einstein avec mon invité Étienne Klein. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Beyrouth, Gallipoli sur France Inter, autant n'importe l'histoire, réalisé par Hélène Bizio, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Lucas Vaillant. Étienne Klein, c'est un homme rempli de gloire, mais aussi tourmenté qu'Albert Einstein. Il meurt donc le 18 avril 1955 à Princeton. Tourmenté, triste et sans doute inquiet pour la suite de l'histoire. Parlons peut-être d'abord de sa dimension intime, personnelle, éprouve-t-il une culpabilité donc pour ce fils qu'il n'a pas revu depuis 1933, qu'il a laissé dans sa clinique psychiatrique. Finalement, la Deuxième Guerre mondiale, elle a coupé l'histoire en deux, donc c'est le temps qui est concerné, mais aussi l'espace. Il ne retourne plus en Europe. Il ne reverra jamais son fils après l'avoir quitté en 1933. Il pouvait le faire après la guerre. Je pense qu'il était psychiquement incapable de retourner en Europe. Il pensait que les Allemands avaient commis quelque chose qu'ils ne pouvaient pas pardonner. Il ne voulait plus avoir le moindre lien avec eux. Peut-être aussi une peur de se retrouver face à son fils. Sans doute, parce que la communication était difficile. La schizophrénie s'est manifestée par du rejet, de la violence verbale, en tout cas de la part du fils à l'égard du père. Donc il était sans doute d'une très très grande tristesse de cette situation. La blessure de l'exil aussi, vous l'avez dit, donc il n'est jamais retourné en Allemagne, il refuse que ses livres soient traduits en allemand, il ne pardonne pas au peuple allemand, ça doit être une douleur aussi de Bah, ça, c'est un migrant, hein, il faut l'imaginer avec sa petite valise, montant dans le bateau pour les États-Unis, comme on voit des migrants dans des conditions bien pires aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de juifs allemands qui n'ont pas eu cette possibilité d'aller aux États-Unis comme lui l'a eu. Puisque absolument, lui, bon, mais il a essayé ensuite de faire venir beaucoup de réfugiés aux États-Unis. Et en même temps, je pense que, en tout cas c'est la thèse que je défends dans mon livre, Einstein était agéographique, c'est-à-dire que ce qui se passait dans son esprit était quasiment indépendant de l'endroit où se trouvait son encéphale. Oui, il était un peu distrait, d'ailleurs. Il y a des traces de sa théorie de la relativité générale. Ce qui compte, c'est l'événement, pas la façon dont on décrit cet événement par un système de coordonnées. Et par rapport à la bombe, on a souvent dit qu'il avait éprouvé une culpabilité, parce que donc il a écrit cette lettre en août 1900, enfin il l'a pas écrit, il a signé cette lettre où il appelle Roosevelt à prendre garde à une possible bombe qui serait construite par les Allemands, donc par les nazis, et on a souvent dit que c'était lui qui était responsable finalement d'Hiroshima et de Nagasaki, même si c'est faux, peut-être éprouvait-il malgré tout une culpabilité. Une forme de culpabilité, mais en fait, ils s'en défendent dans des textes qu'on pourra peut-être commenter, mais en effet, il y a la formule E égale MC2. Avant la lettre, il y a la formule de 1905, E égale MC2, qui symbolise une sorte de noirceur que l'histoire aurait tatouée sur l'âme d'Einstein. En fait, faut interroger un fait historique. La formule date de 1905, l'uranium, on le connaît depuis la fin du 18e siècle, et personne ne parle de bombe atomique avant 1938. Donc la formule en elle-même ne porte pas la bombe. C'est simplement une découverte. C'est la lettre peut-être qui Non, mais c'est d'abord surtout un événement scientifique. À la fin de l'année 1938, des savants allemands découvrent le fait que personne n'avait prédit que certains atomes d'uranium, les atomes d'uranium-235, lorsqu'ils sont percutés par un neutron, se coupent en deux en libérant de l'énergie et en engendrant d'autres neutrons qui vont pouvoir percuter d'autres noyaux. C'est ce qu'on appelle la fission. Et à partir de 1939, on comprend que ce mécanisme, que personne n'avait prédit, c'est important, est capable de produire des libérations d'énergie colossales. Et Einstein s'y intéresse pas. Il faut que Niels Bohr vienne le voir à Princeton pour lui expliquer. Einstein comprend pas bien. Ensuite, Szilard, son ami avec lequel il avait déposé toutes sortes de brevets dans les années 30, vient le voir pour lui expliquer la réaction en chaîne. Einstein ne s'est jamais intéressé à l'interaction nucléaire. Et il signe une lettre, en effet, le 2 août 1939, rédigée par Szilard et un autre Hongrois qui s'appelle Wigner. Qui, eux, ont pris conscience de ce danger. Qui ont pris conscience des dangers et ont en fait rédigé la lettre. Ils ne veulent pas l'envoyer par la poste. Ils pensent à Lindbergh pour l'amener... devant Roosevelt, mais Lindbergh a des sympathies nazies, donc ils choisissent plutôt un économiste qui s'appelle Alexander Sachs, qui parvient à avoir une entrevue avec Roosevelt en octobre. En octobre 1939. 1939, Roosevelt comprend le truc, crée une commission, mais ça n'annonce pas du tout le projet Manhattan. Pour que le projet Manhattan de construction d'une bombe atomique advienne, il faut attendre le 7 décembre Pearl Harbor pour que les Américains entrent en guerre. L'attaque japonaise contre Pearl Harbor. Surtout après la découverte d'un nouvel élément chimique qui s'appelle le plutonium, qui est lui aussi capable de fissionner. Donc c'est à ce moment-là que les États-Unis entrent dans la guerre et donc vont développer ce grand programme énorme dans le désert du Nouveau-Mexique, à Los Alamos. Mais il faut insister sur le fait que dans la lettre, Einstein ne dit pas qu'il faut construire la bombe atomique. Il dit en Allemagne, il y a de l'uranium, il y a des très bons physiciens, et on peut faire des bombes atomiques. Or, à l'époque, les États-Unis n'avaient pas de réserve en uranium. Et donc, c'est une sorte de... Il agit comme un lanceur d'alerte, pas comme quelqu'un qui dirait au président « faites la bombe atomique ». Il a peur de la bombe allemande. Et en 1944, d'ailleurs, quand il voit que l'Allemagne n'a plus de chance de gagner, il voit bien que voilà, tout est perdu pour l'Allemagne nazie. Donc, il s'y dit, mais pourquoi construire une bombe atomique? Et il écrit cette seconde lettre qui n'atteindra pas Roosevelt, qui meurt. Qui meurt, c'est Truman qui va soit la lire, soit l'ignorer. En tout cas, c'est lui qui va prendre la décision d'utiliser la bombe atomique. Il y a d'abord un essai qui est fait en juillet 45 dans le désert d'Alamogordo. Et puis Hiroshima et Nagasaki quelques semaines plus tard. Albert Einstein est connu pour d'autres engagements extrêmement importants en faveur des droits civiques des Noirs. On a entendu prendre la défense de Marian Anderson, cette chanteuse noire. On sait également qu'il s'est engagé pour la création de l'État d'Israël. Il a même refusé le poste de président de l'État d'Israël en 1952 qu'on lui proposait. Il est aussi depuis longtemps un chantre du pacifisme. Je vous propose d'écouter la voix d'Albert Einstein s'exprimer en 1946 à la radio américaine, où on lui demande si la raison peut résoudre les problèmes humains. I believe nothing else can. Just as we use our reason to build a dam. De même que nous nous servons de notre raison pour construire un barrage afin de contrôler le cours d'un fleuve, de même nous devons aujourd'hui construire des institutions qui contrôleraient la peur, la méfiance, l'avidité qui pousse les peuples et leurs chefs d'État. Elles doivent avoir autorité pour contrôler la bombe atomique et autres armes de guerre et le pouvoir de faire respecter cette autorité. Nous ne devons pas attendre 1 million d'années pour nous servir de notre faculté de raisonner. Nous pouvons et nous devons nous en servir maintenant, sinon la société humaine disparaîtra peut-être à jamais dans un nouvel âge d'obscurantisme plus sombre et plus terrible encore. Will disappear in a new and terrible dark age of mankind, perhaps forever. Albert Einstein, donc en 1946, on sait aujourd'hui que les mouvements pour la paix dans les années 45-50 étaient menés par des personnalités sincères comme Einstein, mais souvent récupérés aussi par l'Union soviétique. Y avait-il une part de naïveté de la part d'Albert Einstein ? Moi, je pense que c'est tout le contraire. Einstein, c'est quelqu'un d'extrêmement lucide. Il a très bien compris avant tout le monde ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30. D'ailleurs, quand il est à Coq-sur-Mer, dans cette petite ville de Belgique, où il est en quelque sorte réfugié, il fait un aller-retour en Angleterre pour rencontrer Churchill. Et il explique à Churchill que on est en 1933. C'est bien avant que on commence à utiliser ou connaître les faux crématoires, etc. Il dit à Churchill, Hitler, c'est pas du tout la même chose que Mussolini. Hitler veut la guerre. Et d'ailleurs, c'est le moment où Einstein va cesser provisoirement d'être pacifiste. Il cesse de soutenir les objecteurs de conscience en disant, face à quelqu'un comme Hitler, il n'y a que la force armée qui puisse intervenir avec efficacité. Donc, il est parfaitement conscient, beaucoup plus que beaucoup d'autres, des dangers qui s'annoncent, et il a la même lucidité aux États-Unis quand il voit le maccartisme, quand il voit la ségrégation contre les Noirs. En fait, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais échangé 1 gramme de liberté contre 1 kilogramme de sécurité. C'est étonnant, cette obsession du FBI à surveiller comme ça Albert Einstein, des gens qui rôdent autour de sa maison, qui fouillent dans ses poubelles, on écoute ses conversations téléphoniques. C'est une vraie paranoïa à l'égard d'Albert Einstein. C'est peut-être, ça, je connais pas assez bien les détails de l'histoire, mais il me semble que c'est plutôt Hoover qui a une sorte de fixation sur lui. Oui, c'est le FBI. Oui. Il va être à la tête du FBI pendant des décennies et il ne va jamais lâcher Einstein au motif que peut-être il aurait adhéré au Parti communiste allemand en 1920, ce qu'il n'a jamais fait. Ce qu'il n'a jamais fait. Et oui. Il y avait une espèce de dichotomie assez brutale dans la façon de juger les gens. En 1948, Albert Einstein aurait déclaré que les 3 risques encourus par l'humanité, les 3 grands risques, sont l'énergie nucléaire, la surpopulation et l'explosion psychique apportée par les médias. C'est étonnant. Albert Einstein était assez visionnaire, finalement. Ben, je pense qu'il avait une triple lucidité, en l'occurrence. Hein. En effet, Bon, il parlait plutôt de la télévision, je pense, à ce moment-là, mais aujourd'hui, on a d'autres formes de... On sait qu'on peut fabriquer de l'information à partir de l'actualité, ou bien l'inverse, et que l'information ne concerne pas toujours l'actualité. Voilà. C'est plutôt l'information qui décide de ce qui fait actualité, et je pense que ça, il l'avait en effet vu venir. Les fake news par rapport à la vraie information. Ou alors le fait de gonfler des événements, au point de les provoquer. Albert Einstein meurt donc le 18 avril 1955, sans avoir remis les pieds en Europe, ni avoir revu son fils. Lui, il meurt en 1965, à l'âge de 55 ans. Merci Étienne Klein, vous êtes l'auteur de Le pays qu'habitait Albert Einstein, chez Actes Sud, sorti cette année en poche. Vous avez aussi rédigé la préface de Comment je vois le monde, un recueil de textes d'Albert Einstein, édité dans la collection Champs Science. Et bien sûr, on peut vous écouter tous les samedis à 16h dans votre émission La Conversation Scientifique sur France Culture. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, je vous invite à rencontrer un des plus grands danseurs de l'histoire du ballet, Vaslav Nijinsky, qui avec les ballets russes fit scandale dans l'après-midi d'un faune et surtout le Sacre du printemps en 1913. Nijinsky, danseur et chorégraphe de génie, mais aussi personnalité tourmentée. Nijinsky, le dieu de la danse, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes après le flash, ne manquez pas Édouard Baird, je vois déjà ses lumières qui brillent dans la nuit. Très bonne soirée sur France Inter.